PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Messieurs, dames, soyez les bienvenus, vous entendez la radio Pokajou International. Je m'appelle Melissa Suarez-Elveal et je suis très contente de vous recevoir, spécialement pendant cette semaine où l'on fête le 56e anniversaire du Maharaja de Pokajou. On a tous mangé une énorme tarte au citron qui a été installée dans le centre-ville à la place de Jukapo. Et on a installé aussi centaines de bombes à eau. L'eau d'oranger, bien sûr, parce que c'est la fleur préférée du Maharaja. Et bon, pour certains, cette célébration est même un peu exagérée, parce qu'auparavant, dans les années 50, la fête d'anniversaire du Maharaja restait quelque chose de très, très simple et très modeste. Mais c'était suite à une maladie respiratoire, à des problèmes de santé que Sa Majesté a subi pendant son enfance, que cette énorme fête publique s'est installée au Pokajou. Maintenant, c'est une tradition, mais c'est vrai que c'est un peu une nouvelle tradition. Aujourd'hui, alors, on va découvrir comment Sa Majesté s'est sauvée littéralement d'une maladie respiratoire assez grave. Et bon, mais malheureusement, pendant ces années, il a fait passer à sa mère, spécialement la reine Kuraja, première, des moments très difficiles parce que son père, il était aussi très très malade déjà. Sa mère était tellement mal psychologiquement qu'elle a même commandé au chanteur Donovan de composer une chanson pour son petit qui était en train de se récupérer. Cette chanson, Catch the Wind, qu'on va entendre tout de suite, lui a été dédiée. C'est Donovan avec Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. But I may as well try and catch the wind. try and catch the wind. L'ambassade des Pocajou en France et le ministère de culture de Pocajou présentent Radio Pocajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pocajou. Un programme diffusé depuis Jucapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Et voilà, on vient d'écouter Catch the Wind du chanteur anglais Donovan. C'est une très très belle chanson. C'est une chanson qui parle de l'amour, bien sûr, mais plutôt de l'expérience aigre-doux de la reine, qui bien sûr aime son fils, mais qui souffre tellement de lui voir malade que, bon, en fait, c'est cette chanson, la seule chose qui la soulage pendant quelques semaines. En fait, Sa Majesté était déjà un peu malade. Il était un petit, un bébé qui était né prématurément. Et bon, ça amenait plusieurs conséquences. Il était un peu faible depuis les débuts de sa vie. Et malheureusement, sa naissance tombe juste dans l'un des pires moissons dont on se souvient à Pocajou. Cette année-là était une année grise. Il y avait la poussière qui volait partout, il y avait le vent très très fort qui soufflait pendant la moitié de l'année. Et bien sûr, il y avait une humidité très très lourde qui finalement a donné des problèmes respiratoires très très graves aux petits. D'abord, tout a commencé avec la toux, mais chaque fois c'était pire. Jusqu'à ce qu'une crise asthmatique a fait hospitaliser le petit pendant plusieurs semaines. Personne ne trouvait pas de solution, jusqu'à ce que finalement, un jeune médecin provenant d'une famille de musiciens, Antoine Polizard, a suggéré que le petit commence à jouer l'harmonica, ne pas seulement pour s'amuser, mais aussi parce que bon, cela, selon lui, fortifiait son diaphragme. C'était quelque chose de nouvel, personne n'avait jamais entendu parler de l'harmonica comme un moyen de se soigner. Mais comme le petit montrait déjà un grand intérêt pour la musique, on lui a apporté une petite harmonica à l'hôpital. Et bien sûr, au début, ça ne marchait pas, le petit était trop faible pour jouer. Mais de peu en peu, il a commencé à avoir un diaphragme de plus en plus fort. Et une respiration aussi, et chaque fois mieux, plus fort. Et bon, finalement, il a réussi à se soigner. Et maintenant, il est un homme qui vient d'avoir 5 ou 6 ans. Il est en bonne santé. Et maintenant, on va entendre une chanson où l'on joue de l'harmonica. Et en fait, cette chanson est interprétée par un neveu d'Antoine Polizard, Barry Louis Polizard, qui connaît très très bien l'histoire du Maharaja et qui en fait raconte cette histoire pendant ses concerts aux États-Unis. Ça s'appelle All I Want Is You. Le musicien s'appelle Barry Louis Polizard. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you're with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. On est de retour à la Radio Pocahou Internationale. Je suis Melissa Suarez El Real. Vous venez d'entendre All I Want Is You de Barry Louis Pulitzer. On a choisi ce morceau parce que, après des problèmes de santé que Sa Majesté le Maharaja a subi, Monsieur Antoine Pulitzer, l'oncle de Barry, l'homme qui joue cette chanson, et bon, Antoine a donné son nom à l'une des rues principales de Jucapo, la capitale de Pocahou bien sûr. Mais aussi le traitement avec l'apprentissage de l'harmonica pour les gens avec des problèmes respiratoires et du diaphragme est resté le standard dans le pavillon respiratoire de l'hôpital central de Jucapo. L'explication de ce phénomène est très très simple. Et pour jouer l'harmonica, il faut aspirer et expirer avec une certaine résistance et on finit par fortifier le diaphragme. Plusieurs spécialistes des poumons et voies respiratoires viennent toujours au Pocahou pour étudier ces techniques. En fait, les morceaux que l'on vient de jouer est devenu très très connu après qu'il est sorti dans le film américain Juno. Mais à Pocahou, cette chanson était célèbre depuis longtemps parce qu'elle est montrée aux enfants asthmatiques pour son utilisation de l'harmonica. C'est une chanson que les enfants aiment bien, qui se mémorise très très facilement, et bon, c'est pour ça qu'on a décidé de la jouer aujourd'hui. En fait, c'est pour ça aussi que l'époque a joué abrite depuis l'année 79, le plus célèbre festival des hommes orchestres du monde. Et bien sûr, il y a plein d'harmonicas là, et on va vous laisser avec un autre joueur d'harmonica. Il s'agit de Thomas Puchavi, c'est l'un des membres du groupe Moriarty. Et ce morceau s'appelle Candyman. Il est sorti dans leur dernier disque, Fugitives. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis Melissa Suarez El Real. Et bon, à la prochaine. Au revoir. Come on, you ladies, get around. Don't you know he's back in town? It's the Candyman. It's the Candyman. He likes to take a candy 9-inch long. He says it's fast to hog eat his corn. It's the Candyman. It's the Candyman. Don't stay close to the Candyman. He leave a big candy in your hand. It's the Candyman. It's the Candyman. Some candy to sister bad. The very next day she took all he had. It's the candy man. It's the candy man. Wanted for a long, long time. It's the Candyman. It's the Candyman. His stick of candy don't melt away. It just gets better every day. It's the Candyman. It's the Candyman. The candy man. Radio Pocahou International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!